Chapitre 4e. Une visite matinale. S'il est vrai que les murs des palais ont parfois des oreilles, on peut dire que les arbres de la campagne ont souvent des yeux. Enfoncez-vous au plus épais d'une forêt pour méditer et vous recueillir. Vous aurez été vu par quelques vieilles femmes occupées à ramasser des bûchettes. Allez jeter vos lignes au bord d'un ruisseau solitaire, loin des sentiers battus. Quelque enfant vagabond vous y dépistera, et vous aurez un témoin de votre pêche infructueuse. Il n'en était arrivé autant à Jacques Aubert, le jour où il avait eu la fatale idée de s'accrocher par le cou à la branche d'un léard. Des enfants qui s'amusaient à couper des tiges de saule pour en faire des sifflets avaient vu le pauvre jeune homme dégringoler au milieu des luisettes. Effrayés de cette chute, dont ils ignoraient la cause, ils étaient venus en grande hâte raconter à leurs parents que Jacques était tombé des nues comme un cerf-volant dont la corde est coupée. Ce récit invraisemblable, commenté par les commères, avait fait le tour de la petite île avant la soirée. On sut que Jacques, en effet, était souffrant et qu'il restait chez lui. On vint demander de ses nouvelles, on le questionna, et bien qu'il s'obstinât à faire des réponses évasives, on finit par pénétrer son secret. Tout en le plaignant un peu, on se moqua de lui, et Madeleine, à qui l'histoire fut rapportée, ne put s'empêcher de rire. « Pendez-vous donc pour une jeune fille qu'en aime un autre ?» En but à la commisération ironique de ses voisins, Jacques ressentit une humiliation profonde. L'énergie qui sommeillait dans son cœur engourdi s'éveilla subitement. Il eut honte de sa faiblesse. L'acte de désespoir qu'il avait tenté d'accomplir le désignait d'ailleurs à tous les habitants de l'île comme un prétendant, malheureux à la main de Madeleine, et celle-ci ne pouvait faire autrement que d'éviter sa rencontre. La vue des 7 grands bateaux mouillés au milieu de la Loire lui rappelait la présence de celui qui était la cause de ses chagrins. Tout était donc gâté pour lui, le passé, le présent et l'avenir. L'île natale, dont le souvenir l'avait poursuivi sans relâche dans les garnisons lointaines, devenait pour lui un séjour insupportable. Il n'y trouvait plus ni le repos ni la joie d'autrefois. Il n'envisagea pas d'abord, sans un sentiment d'amère tristesse, la vie décolorée dont la perspective se déroulait devant lui. Pendant plusieurs jours, il n'osa sortir qu'à la dérobée. Il allait se promener dans les oseraies, songeant à l'offre généreuse du docteur Christian, et se demandant s'il ne vaudrait pas mieux pour lui la refuser et partir. Le temps approchait où il lui fallait prendre une décision. Enfin, un matin, il se résolut à aller trouver le docteur. Il était de bonne heure, à peine si l'aube blanchissait à l'horizon. Il s'élevait du milieu de l'île une senteur douce et âcre à la fois, particulière aux terres d'alluvion ensemencées de lin et de chanvre et toutes plantées de bois blanc. La pierre bécherelle dressait son front de granit à travers la brume, comme un obélisque informe. Dans le petit bras de la Loire qui sépare l'île de la rive gauche du fleuve, de gros brochets prenaient leurs ébats, et les bécassines matinales, jetant un cri aigu, trempaient dans l'eau la pointe de leurs ailes arquées. Une ou deux étoiles, près de s'éteindre, brillaient encore d'une lueur douteuse sur la voûte du ciel. De gros flocons d'une écume jaunâtre, qui tournoyaient dans le courant, annonçaient que la Loire croissait rapidement et déjà les branches basses des saules disparaissaient sous le flot. Jacques prit un petit bateau amarré sur le rivage et gagna rapidement l'autre bord. Il entendit sur la surface polie des eaux courir la voix de Madeleine qui chantait à quelques centaines de pas plus haut, en ramant auprès de son père. Cette voix, qu'il écoutait malgré les chagrins qu'elle lui rappelait, faillit lui faire perdre courage. Des larmes montèrent à ses yeux et il soupira. Puis, recouvrant son énergie, il se mit à courir jusqu'à la porte de la maisonnette qu'habitait le docteur. Celui-ci, déjà levé et prêt à se mettre en route, mangeait à la fête un morceau de pain blanc. « Eh, bonjour Jacques, bonjour mon ami, » dit-il au jeune homme. « Des affaires inattendues m'ont empêché d'aller vous voir. Vous êtes tout à fait bien maintenant ? Diable, vous avez des couleurs aujourd'hui. » « Mais oui, grâce à Dieu, monsieur Christian, je ne me sens plus de rien. Me voilà venu pour vous faire mes adieux. » « Vos adieux ? Ah, je vous entends. Vous croyez que j'ai oublié ma promesse ? Non, non. Tenez, jeune homme, voici la somme en question. J'ai de la mémoire, tout vieux que je suis. Avez-vous pu supposer un instant que j'oubliais de tenir ma promesse ? Pardon, monsieur Christian, ce n'est pas là ce que je veux dire. C'est moi qui renonce à me racheter. Comment ? Comment ? Vous êtes guéri aussi de cette nostalgie, de ce mal du pays ? Hélas oui, monsieur, guéri de mon mal et de mon amour aussi. On a tout découvert, on a tout appris, je ne sais comment, et Madeleine a ri de moi. J'avais pourtant fait à son père un petit compte, et il vous croyait déjà si riche que l'autre avait perdu 100% dans son esprit. C'est possible, monsieur, mais la fille, qu'avait dit la fille? Dame, pas grand-chose, ce n'était pas à elle de parler, d'ailleurs. Oh non, je sais bien que je n'ai rien à espérer de ce côté. C'est une affaire finie, monsieur, il faut que je parte, que je quitte à jamais le pays. Adieu, la fauvette bleue, dit tout bas le docteur. Je m'ennuyais au régiment parce que je pensais toujours à ma petite île de Béhuard. Mais à présent que mon pays est gâté pour moi, à présent que je n'y puis plus vivre, je prendrai du goût au service. Ainsi, monsieur, merci de votre offre. Gardez votre argent. Je reste soldat, et si je ne l'étais point déjà, je m'engagerais pour m'éloigner d'ici. Eh bien, moi, reprit le docteur, je vous dis que c'est précisément parce que vous êtes soldat qu'il vous faut quelque argent. Prenez ce rouleau, mon ami, 20 louis en souvenir de moi, et bonne chance. » Le jeune homme restait immobile, les mains derrière le dos. « Voyons, dit le docteur, puisque vous ne voulez pas le prendre, je le mettrai moi-même dans votre poche. » Le docteur Christian s'est élevé. Il glissait le rouleau dans le gousset de Jacques. Bistouri, qui prit pour un combat cette lutte de bons procédés, s'élança de dessus son fauteuil en aboyant. « À bas, Bistouri !» cria le docteur. « Les animaux, avec tout leur instinct, ne peuvent comprendre certaines délicatesses. » Puis, s'adressant à Jacques, « J'avais promis de vous être utile, » reprit-il en souriant. « Si vous n'avez plus besoin du service que je voulais vous rendre, au moins ai-je toujours le droit de vous être agréable. Au fait, vous avez raison de reprendre les armes, jeune homme. Vous me faisiez vraiment pitié l'autre jour avec vos pleurnichements. » La jeune fille a jeté son dévolu, je le crois, et vous ne seriez plus à votre aise dans l'île, tandis qu'au régiment vous retrouverez cette vigueur d'esprit qui ennoblit l'homme, qui l'élève au-dessus des misères de la vie. « Ah ça, monsieur !» interrompit Jacques. « J'oubliais de vous parler de votre oiseau. »« Quoi ? La fauvette bleue ? L'avez-vous vue ? Hein ? Êtes-vous sûr de l'avoir vue ?» Le docteur s'approchait en parlant de la sorte si près de Jacques et ouvrait de si grands yeux que le jeune homme recula d'un pas. « Parlez donc, mon ami, » reprit le docteur en saisissant Jacques par le collet de sa veste. « Dame, monsieur, je voulais tenir ma promesse aussi, moi, et j'ai couru à travers les luisettes tout autour de l'île. Il m'arrivait quelquefois de penser à autre chose, par exemple, mais enfin je regardais à droite, à gauche, sous les branches, partout. Et vous l'avez trouvé ? J'ai trouvé. C'était hier matin, un peu avant midi, là-bas, tout au bout de l'île, dans un endroit humide où le limon cède sous les pieds, même que j'ai encore mes souliers tout vaseux. Pour l'amour de Dieu, mon ami, dites donc ce que vous avez trouvé. Eh bien, je vous le dis, monsieur, j'ai trouvé un oiseau bleu. Une mésange, peut-être. Il y en a tant dans les saules, ou bien un martin pêcheur. Non, non. La mésange niche dans les arbres creux, dans les pommiers, tout le monde sait cela, et le pêche-martin fait son nid au fond d'un trou, dans la terre humide. Bravo, jeune homme, on dirait que vous avez lu votre Buffon. Cet oiseau bleu était sur son nid, un nid composé de laine, de crin, de duvet recouvert de mousse, enfin un petit chef-d'œuvre. Est-ce votre affaire ? Le docteur avait sauté au cou de Jacques. « Et vous refusiez mon faible présent après une telle découverte ? En vérité, jeune homme, voilà un bien beau jour pour moi. Figurez-vous donc que dans toute la faune du pays, il ne me manquait plus que cette fauvette. » Il se mit à chanter d'une voix chevrotante le vieux refrain de nos grands-mères. « Je le tiens, ce nid de fauvette, ils sont 2, 3, 4 petits. » Puis s'adressant au jeune homme, « Ah, mon cher Jacques, s'il ne tenait qu'à moi, vous épouseriez Madeleine, allez. » « N'en parlons plus, » reprit Jacques. « Je suis bien aise de vous avoir fait plaisir à mon tour. Voulez-vous venir avec moi que je vous montre le nid ?»« Non, non, » dit le docteur, « je vois d'ici où il se trouve et je veux avoir moi-même la satisfaction de le découvrir. » Et puis à cette heure, la mer ne doit pas être sur ses œufs. À l'extrémité occidentale de l'île, n'est-ce pas, un peu avant d'arriver à la grève. Je m'y rendrai, les yeux fermés. Adieu donc, mon bon ami, courage et santé. » Jacques serra vivement la main que lui tendait le docteur. Un jeune soldat qui rentre au régiment après quelques mois de congé n'est pas fâché de trouver une 20aine de louis au fond de sa poche. La possession de ce petit trésor était pour Jacques une fiche de consolation dans les circonstances présentes. Désormais affirmé dans sa résolution, il avait hâte de rejoindre son régiment et dès le jour même, il alla prendre congé de ses parents et de ses amis. La nouvelle de son départ ne pouvait surprendre personne, chacun sachant que le temps du semestre était écoulé. Aussi ne comprit-on pas dans l'île l'étonnement que manifesta le père Léonard quand on lui dit que Jacques avait rejoint son drapeau. « Tiens, c'est drôle, » pensa le vieux pêcheur. « Il paraît qu'il ne lui est rien venu des colonies et qu'il n'a pas d'héritage à attendre. Où le docteur avait-il donc pris cela ?» Et tout en faisant ses réflexions, le père de Madeleine avançait la tête derrière les luisettes pour s'assurer que les bateaux d'Arsène étaient toujours à l'ancre.